Welcome to Europa. Des enfants de l'amitié venus d'un pays jadis très fort, ils cherchent l'étoile, arrivent-en, ils viennent chez vous, ouvrent les portes. Pour tous, Europe c'est nous, les noirs, les blancs, les jeunes, les vieux, les grands, petits, forts ou malades, un grand asile pour tous les hommes. Conteste, regarde les gens passer, expirant l'enfer, important pour l'avenir. Ceux qui contestent, regarde les gens passer, expirant l'enfer, traître dira. Your children cry. Parents sigh, running away, leave sorrow's days, follow the star, touching the dream, longing for hope, drowning the sea. Who will sing? Who joy will bring, learning to guide, not to divide, send rays of light to darkened lands, who we remain in strengthened hands. Those who deny, who make you die, will pay in hell, the preacher will tell. Those who deny, who make you die, will pay in hell, the preachers will tell. Alors on danse.